Mais personne ne prit de cigare. Le poison effrayait moins que la perspective d'être réduit en miettes. Et puis, il y avait dans ce dernier jeu un cruel raffinement qui faisait reculer les plus courageux. Quel supplice ce devait être que de craindre la mort à chaque bouffée. L'émotion devait être sans cesse renouvelée. Au moins, on ne vidait la coupe qu'une fois. Big Johnson la lisait clairement en eux. « Pas d'amateur pour les cigares » ricana-t-il. Méprisant, il haussait les épaules. James Oldsilver se dressa. « Pardon, il y en a un » riposta-t-il avec calme. Et d'une main qui ne tremblait pas, il prit un cigare, dont il coupa le bout et qu'il introduisit entre ses lèvres. « À la bonne heure !» cria Big Johnson, dont les yeux s'allumèrent. « 3 fois I pour le gentleman !» Froidement, James faisait flamber une allumette. Il demanda, en l'approchant du cigare, « Une question, monsieur. Si je gagne, aurais-je droit de déléguer ma chance ?»« En d'autres termes, ai-je le droit de choisir et de désigner la personne qui en profitera et pourra sortir d'ici saine et sobre ?»« Certes, » répondit le masque aux yeux rouges en le fixant. L'acteur tira la première bouffée en regardant Miss Pearl. Celle-ci était devenue toute pâle. « Je ne veux pas » protesta-t-elle en se levant à demi de sa chaise et en s'efforçant de retirer le cigare des doigts de James. Le jeune homme le mit hors d'atteinte et continua à le fumer avec un flegme parfait. « Chère Miss, » dit-il, « je suis heureux que vous m'ayez deviné. Une seule vie ici me paraît digne d'être l'enjeu de cette gageure, et ce ne peut être que la vôtre. Je ne veux pas. Je ne veux pas du salut à ce prix, » répéta Miss Pearl. « Jetez ce cigare infernal. » James tira une nouvelle bouffée. « Je ne risque pas grand-chose, puisque de toute façon je suis condamné, » répliqua-t-il. « Mais je puis gagner votre vie, et si cela est, je survivrai assez longtemps pour que vous m'exprimiez votre reconnaissance. Il n'y a pas là-dedans le moindre héroïsme, mais seulement un calcul aisé à comprendre. Si je n'étais persuadé que ma vie, entre les mains de ce fou, ne vaut pas une pincée de cendre, je ne ferais pas cette folie. Mais la raison n'a plus rien à voir ici. Miss Pearl, permettez-moi une prière. Bien que, hélas, ma mort, si elle survient, doive devancer de peu la vôtre, il m'est pénible de disparaître sans que vous sachiez seulement sous quel nom me pleurer. » Il sourit légèrement. « Excusez cette fatuité, » reprit-il. « Je me risque à supposer que vos beaux yeux m'accorderont quelques larmes et votre cœur quelques regrets. » Des diamants scintillèrent entre les longs cils de l'actrice. « En doutez-vous ? » balbutia-t-elle. « Non, » poursuivit mélancoliquement James. « Et c'est bien ce qui m'inquiète. Prenez ce portefeuille, Miss Pearl. Il vous permettra de comprendre mes paroles quand vous l'ouvrirez, après ma mort. Il vous apprendra le nom de celui auquel je souhaite que vous accordiez un peu de sympathie. » Le portefeuille était entre les mains tremblantes de Miss Pearl. Coup sur coup, James tira plusieurs bouffées. Le feu du cigare approchait maintenant de la petite ligne blanche qui marquait la vie ou la mort. Anxieusement, Miss Pearl le regardait et regardait le cigare. L'atroce appréhension de l'horreur possible serrait tous les convives à la gorge. Seuls deux personnages ne tremblaient pas, c'était le masque aux yeux rouges qui ricanait et M. Jingle impassible. James reporta ses regards sur son cigare. La petite ligne allait être atteinte. Un millimètre à peine la séparait de la bague de braise rouge. C'était l'affaire d'une dernière bouffée et les dés seraient jetés. James respira fortement comme s'il allait plonger. « Allons-y, » dit-il un peu nerveux. Mentalement, en regardant Pearl, il pensa « Adieu, adieu ma jolie, adieu peut-être. » Mais à cause de ce peut-être suspensif, il n'osa pas formuler à haute voix cet adieu qu'il avait sur les lèvres. Quel ridicule, si tout à l'heure il survivait. Agacé, il mordit le cigare et aspira. À son tour, la ligne blanche brasilla, devint rouge, puis s'éteignit et se mua en cendre grise. La seconde dangereuse était passée. « Gagné !» annonça James en élevant son cigare aux 3/4 consumés. « J'ai votre parole, monsieur Johnson. Miss Pearl Rose a la vie sauve et la liberté par surcroît. » Il se leva dans l'intention de conduire la jeune femme vers la porte. « Miss Pearl, » reprit-il plus bas, « j'ai votre promesse. Quand vous serez sauvée, vous regarderez dans le portefeuille. « Pourquoi ?» balbutia l'actrice. « N'attendez pas !» souffla la voix de Calinette. Monsieur Jingle, qui se livrait à une pantomime frénétique, faisait signe à James d'enlever sa fausse barbe. « C'est le moment, faites-vous connaître !» Cédant à ces doubles suggestions qui cadraient si bien avec ses propres désirs, James négligea de se demander pourquoi ses conseillers le poussaient à cette imprudence. et en quoi ce coup de théâtre plutôt risqué pouvait servir les intérêts de Miss Pearl. Une fois de plus, l'acteur domina en lui l'être raisonnable. Il ne vit que le geste à faire, l'effet de surprise et d'émotion, et saisit une serviette qu'il imbiba de champagne. « Vous allez comprendre, » déclama-t-il. Et s'enveloppant la tête dans la serviette, il arracha rapidement les divers postiches dont M. Jingle avait affublé. Puis, effaçant le maquillage qui dissimulait ses traits, il rejeta la serviette et montra son visage. Le visage de James Oldsilver. « Ne me reconnaissez-vous pas, Miss Pearl ?» demanda-t-il en souriant. « Vous auriez pu vous attendre à me retrouver ici. » Mais l'actrice, tout en simulant, avec l'émotion voulue, une extrême surprise, murmura, de façon à ce que le jeune milliardaire seul l'entendit. « Et qui vous dit, James, que je ne m'y attendais pas ?» Le rire odieux de Big Johnson retentit soudain. « James Oldsilver, James Oldsilver, oh le maladroit !» Fronçant les sourcils, l'amoureux se tourna vers le fou. « Je suppose que ma personnalité ne change rien à nos conventions, » dit-il, en s'efforçant de le dominer par la fixité de son regard. « Que vous importe que Miss Pearl Rose parte si moi je reste ?»« Cher innocent garçon, » ricana le masque aux yeux rouges, « comment ne voit-il pas qu'il me propose de sacrifier la moitié de mon plaisir ? Je vous attendais. Je savais que vous viendriez. Tout était prêt pour vous recevoir et vous faire honneur. La comédie a parfaitement réussi. »« La comédie ?» s'exclama James, interdit. « Voulez-vous insinuer que vous connaissiez ma présence à bord ?»« Naturellement, » ricana le fou. « Je sais tout, moi. N'ai-je pas le diable à mon service ?» Et il ajouta férocement. « Tu n'es pas encore au bout, mon garçon. » James fit rouge. Il était joué. Le monstre ne se vantait pas, en affirmant que toute la scène n'était qu'une comédie préparée en son honneur. Il lui suffisait de jeter les yeux autour de lui pour constater que ceux qui avaient bu le contenu des fameuses coupes se portaient à merveille, et qu'eux aussi avaient été dupes de la sinistre mystification. Alors, toute cette angoisse, tout cet héroïsme, tout ce dévouement, illusion, mirage, fumée, comédie. James n'avait réussi qu'à se couvrir de ridicule. Comme il le prévoyait, son beau geste devenait grotesque, et sans doute Miss Pearl ne lui pardonnerait pas de l'avoir fait trembler pour rien. Déjà, ne surprenait-il pas un sourire railleur, effleurant les lèvres de l'actrice ? Elle se moquait de lui. Oh, revanche féminine ! Ingratitude aussi ! Pourtant, ce sacrifice illusoire, James l'avait fait sincèrement. Il avait accepté la mort pour l'amour de Miss Pearl. Une soudaine fureur s'empara de lui, et ce fut sur le masque aux yeux rouges que se concentra sa rancune. « Oui ou non ? » jeta-t-il les dents serrées. « Voulez-vous laisser aller, Miss Pearl ? » ?»« Elle te verra mourir, et c'est moi qui vous enverrai ensemble à tous les diables !» s'écria Big Johnson, en avançant de nouveau la main vers la bouteille de champagne, ce qui fit crier de terreur la partie féminine de l'auditoire. D'un bond, James franchit l'espace qui le séparait du fou. Il crut céder à une irrésistible flambée de colère, mais peut-être, inconsciemment, obéit-il en même temps à l'amicale poussée de Calinette qui lui murmurait « Sautez donc dessus !»« Démon » hurla-t-il, « je te forcerai à tenir parole !» Principal acteur de cette scène, James était mal placé pour juger de l'impression qu'elle produisait sur les spectateurs. À coup sûr, ceux-ci durent ressentir et manifester quelque émotion, peut-être aussi quelque espoir. Il ne pouvait leur déplaire qu'un champion se montrât et lança au masque aux yeux rouges un défi pour le salut commun. Mais le jeune milliardaire n'avait Dieu que pour son ennemi, et ce fut tout juste s'il daigna s'apercevoir que M. Jingle, par une manœuvre savante, était venu se poster non loin de lui, tandis que Calinette apparaissait derrière le fou. Ces évolutions, que lui seul remarqua, contribuèrent néanmoins à raffermir James Oldsilver et à augmenter sa force combative. Il se sentit deux alliés, décidés à risquer la partie avec lui. Malheureusement, l'incident qu'il venait de provoquer inconsidérément le prenait au dépourvu. Pour en tirer tout le parti possible, il eût fallu qu'une entente préalable existât entre l'amoureux de Pearl et ses deux alliés. Il n'en était rien, et force allait donc leur être, aux uns et aux autres, d'improviser leur action selon le hasard des péripéties. Cette situation présentait un premier inconvénient. James, tout de suite obligé de faire face à l'ennemi qu'il venait de défier, n'avait pas le loisir de réfléchir. Mais ce Jingle le pourrait-il faire pour lui et lui souffler ses gestes, sinon ses répliques ? James s'était rué sur Big Johnson. Sa brusque attaque ne parut pas surprendre le fou. Il se borna à reculer d'un pas et à placer devant son buste l'écran protecteur d'une de ses larges mains, de manière à parer les coups si son agresseur tentait d'emporter. En même temps, il dit d'une voix railleuse « Ah, nous nous décidons. Ah, la jeunesse est imprudente. Vous devriez pourtant savoir qu'il ne fait pas bon échauffer les oreilles de Big Johnson. » « Je les lui aurais coupées avant qu'elles soient échauffées, » riposta James avec violence. « Coupées, réellement. Oh, oh, voilà l'ambition !» s'esclava le fou, gardant pour l'instant un sang-froid que lui auraient envié bien des gens sensés. « Mon jeune vantard, Big Johnson est homme à se défendre. »« À se faire défendre, voulez-vous dire ?» rectifia railleusement Old Silver. « La bravoure ne vous étouffe pas, brute. Vous comptez sur vos nègres. » À ce moment, les regards de James se rencontrèrent avec ceux de M. Jingle et de Calinette, et tous deux semblaient lui crier « Bravo, très bien, continuez !» Ils étaient manifestement enchantés de la tournure que prenait l'altercation. Le masque aux yeux rouges, plus rouge que jamais, car la fureur qu'excitaient les paroles de James les injectait, le masque aux yeux rouges paraissait ne plus se posséder. Il cria rageusement « Quand vous voudrez !»« Tout de suite !» s'empressa de répondre James. Et comme le fou, il ferma les poings et prit l'attitude d'un boxeur. Tous deux s'observèrent, attendant sans doute que l'adversaire portât le premier coup. Quelle belle occasion pour la foule veule des invités de Big Johnson. Oui, quelle superbe occasion d'en finir avec le cauchemar, de se libérer du danger suspendu sur leur tête. Ils n'avaient qu'à se ruer tous ensemble sur le monstre et ses esclaves. Il y avait sur les tables assez de couteaux et de bouteilles, et de projectiles de toutes sortes, pour mettre en déroute les nègres au coutelas. Mais les invités tremblants de Big étaient incapables d'un pareil effort. Ils préféraient attendre et assister, en simple spectateur, à la lutte qu'allaient mettre aux prises leur ennemi et leur champion. Haletant déjà, ils fixaient les poings des deux hommes, leurs avant-bras repliés, leurs muscles saillants. James fit un mouvement pour bondir. Big Johnson sourit. « Halt !» crie la voix froide de M. Jingle, et il se jeta entre les deux adversaires. « Sans nul doute, M. Johnson, vous voulez un match sérieux ?» demanda-t-il avec flegme. « Il y a eu défi, et vous avez relevé le gant. »« Oui, » approuva le fou. « En ce cas, gentlemen, vous ne pouvez combattre dans cette tenue. Ce serait ridicule. Et puis il vous faut des soigneurs, un arbitre. Ces dames et ces messieurs voudront sans doute parier. » Le fou se mit à pousser des gloussements de joie. Les paroles de M. Jingle l'enchantaient. « Oui, oui, » cria-t-il. « All right, déshabillons-nous et choisissez les soigneurs. C'est vous qui dirigerez le combat. » M. Jingle ne demandait pas autre chose. « Acceptez, » déclara-t-il sans sourciller. Et il poussa James derrière un paravent. « Allez vous préparer, mon garçon. On va vous apporter un maillot. Vous avez 5 minutes. » Le défenseur de Miss Pearl se garda bien de protester. Il pensait que M. Jingle avait une idée. Entre le détective et Calinette, il surprenait de fréquents coups d'œil. D'ailleurs, un assaut de boxe n'était pas pour l'effrayer. Et il acceptait la perspective de se faire démolir la mâchoire en l'honneur de Miss Pearl, qui considérait la scène de ses grands yeux bleus pleins d'effroi. On avait jeté à James les vêtements nécessaires. En quelques instants, il eut achevé sa toilette et reparut, vêtu d'un simple maillot. Il tendit à deux matelots ses mains pour qu'on y attachât les gants. Ayant procédé aux mêmes cérémonies, le masque aux yeux rouges s'avança, son corps athlétique moulé dans un maillot sang de bœuf. Sur un signe de M. Jingle, 4 matelots amenèrent les adversaires en face l'un de l'autre et se retirèrent du ring improvisé, les laissant sous la surveillance de M. Jingle, qui tenait à la main son précieux chronomètre. « Allez !» prononça le détective. Et les poings commencèrent la danse. Dès les premiers coups, il fut visible que James était en état d'infériorité et que Big Johnson allait pouvoir jouer avec lui comme il le voudrait. Naturellement, l'acteur savait boxer. Devant un appareil tournant une scène de boxe et avec un partenaire donnant convenablement la réplique, il aurait fait une exhibition brillante et, si le scénario lui avait attribué le rôle avantageux, il aurait imposé au public l'illusion d'un combat splendide. Mais il eût fallu pour cela que son partenaire s'y prêtât. Or, telle n'était pas l'attitude de Big Johnson. Comme en se jouant, il tenait James à distance, bloquait tous ses coups, tandis qu'à tout instant, il le menaçait de ripostes formidables qui semblait devoir assommer l'amoureux de Miss Pearl. « Évidemment, ce n'est pas comme au cinéma, » songea James, un peu humilié. Il reculait, fortement bousculé par son adversaire, dont les poings énormes dansaient devant ses yeux. Quelle leçon pour un acteur. Et comme James comprenait combien l'habitude de jouer des rôles avantageux le rendre présomptueux. Pourtant, le masque aux yeux rouges le ménageait. Oui, si extraordinaire que fût cette constatation, il fallut bien que l'infortuné James se résignât à l'affaire. Si le fou avait voulu, il l'aurait envoyé à terre dès le début du combat. Au contraire, ses poings tourbillonnants se contentaient d'effleurer l'adversaire sans le frapper, se bornant à l'entourer d'un cercle de menaçantes esquisses, de fausses attaques, qui n'étaient-elles que pour James, et à la réalité et à l'efficacité desquelles les spectateurs devaient croire. Certainement, tous s'imaginaient, y compris Miss Pearl, que le masque aux yeux rouges était en train d'infliger à son rival ce qu'en termes de boxe on appelle une sévère punition. Et ce n'était qu'une apparence. Pourquoi Big Johnson s'amusait-il à ce jeu? Était-ce pour le plaisir d'humilier l'amoureux et voulait-il lui faire sentir son infériorité avant de l'abattre? Cette idée emplissait le beau James de rage, et cette rage ne contribuait pas précisément à lui rendre ses moyens. Il voyait nettement sur les faces des spectateurs qu'il lui apparaissait au hasard des pirouettes auxquelles l'obligeait à tout instant la menace des terribles poings, qu'on s'apitoyait fort sur son compte, et qu'on en était presque à souhaiter qu'une prompte défaite vînt mettre fin à cette facétie cruelle. La consternation était peinte sur le visage de Miss Pearl. Monsieur Jingle fronçait les sourcils et jetait au pauvre James des regards furieux. Quant à Calinette, sa mine était franchement moqueuse et méprisante. Toutes ces figures se brouillèrent soudain et tourbillonnèrent devant ses yeux. Une fois de plus, une charge enragée de Big Johnson l'envoyait dans les cordes, ou plus exactement dans le public. Bousculé, hébété, James vit le poing droit de Big Johnson viser sa mâchoire et se détendre, foudroyant. Il eut la perception très nette du coup qu'il allait l'atteindre et il faillit pousser un cri de désespoir. C'était la fin, la défaite, le coup partait. Le coup passa. Brusquement, une petite ombre rapide s'était détachée du cercle, projetant entre les deux adversaires le geste d'une main qui s'abattit sur le bras de Big et l'agrippa au vol. James entendit un cri de douleur, devina l'effroyable grimace qui tordait les traits sous le masque. Il n'eut plus devant lui que la silhouette immobilisée de son adversaire, maintenu, dompté, vaincu par une prise de jiu-jitsu de l'infernale Calinette. En même temps, la voix de celle-ci criait « Frappez donc !» Ahuri, presque suggestionné, James, sans bien se rendre compte de ce qu'il faisait, lança en avant son poing, qui rencontra la mâchoire du fou. Toute cette scène s'était passée si rapidement que James ne put se rendre compte de ses gestes. Il en vit le résultat avant d'en avoir pu mesurer la possibilité. Le masque aux yeux rouges s'écroula. Avait-il donc frappé si fort? Mais il n'eut pas le temps de réfléchir à ces choses. Comme si son geste machinal eût bousculé tout le décor, la salle entière s'anima soudain et un tumulte réveilla tous les spectateurs. Figés dans une brève stupeur, les serviteurs de Big Johnson n'intervinrent pas tout d'abord, et cela donna à Calinette le temps de disparaître au milieu d'un groupe de spectateurs qui se referma sur elle. Mais presque aussitôt, des hurlements de rage retentirent et les nègres, brandissant leurs coutelas, firent irruption, excités par les cris des matelots. « Le mousse! Prenez le mousse !» Et ils se précipitèrent sur le groupe au milieu duquel s'était réfugié Calinette et l'ouvrirent brutalement. Où diantre était passé le mousse? Parbleu, la maligne jeune fille n'avait pas perdu son temps. Masquée par les invités, elle s'était débarrassée en un tour de main de son costume de mousse et apparut revêtue d'une courte robe. Le temps d'en défriper les plis, un peu froissés par leur séjour dans le pantalon de toile blanche, et de délivrer ses noirs cheveux de la prison du béret, qu'elle fit voler en l'air et qu'elle retombait sur la face masquée de Big évanoui, et il ne resta plus du gentil mousse auteur du scandale qu'un flasque costume vide poussé du pied sous une table. « Cherchez, gros malin !» pensa impertinemment la jeune Calinette, bien certaine de n'être pas reconnue par ses matelots dont toute la personne ne contenait pas autant de malice qu'une seule des phalanges de son petit doigt. Cette scène fut perdue pour James. Tandis qu'autour de lui le tumulte était à son comble, le jeune homme s'était senti poussé par M. Jingle. « Vite, profitez-en, enlevez Miss Pearl !» Précieux conseil, il rendit à James le libre jeu de ses membres et de ses facultés. Se précipitant sur l'actrice défaillante, il la saisit dans ses bras, se rua vers une porte, renversa deux noirs qui tentaient de lui barrer le passage et disparut dans l'escalier qui conduisait au pont. Big Johnson revenait à lui, il vociféra. « Il emporte la prisonnière, poursuivez-le !» À sa voix, quelques matelots s'élancèrent, mais déjà, M. Jingle, d'un coup de pied, avait renversé une table en travers de la porte par laquelle s'étaient enfuis James et Miss Pearl. Réfugié derrière, il braqua sur les poursuivants de revolvers et ordonna froidement « Stop, on ne passe pas !» Tenant son fardeau dans ses bras, James Old Silver s'était élancé dans l'escalier. Son cœur bondissait, mais c'était de bonne heure. « Je suis heureux, heureux, Miss Pearl » murmura-t-il. L'actrice entr'ouvrit les yeux et regarda son chevalier avec une indéfinissable expression de tendre moquerie et d'apitoiement. « Mon pauvre Jean, soupira-t-elle, vous n'êtes pas difficile. Quel grand enfant vous faites. Je vous arrachais des mains du fou. Cela faillit vous coûter cher. » Railla doucement Miss Pearl, sans câlinette. « J'aurais risqué davantage. Je voulais vous sauver. Avec une volonté pareille, tôt ou tard, on réussit la preuve. » Presque avec recueillement, il ajouta « Pearl, ne vous moquez pas. Ne me gâtez pas ma joie d'avoir couru pour vous de vrais dangers. Enfin, le sort me devait cette revanche. » Le rire perlé de l'actrice, ce rire que le pauvre James détestait tant, fusa une fois encore de ses lèvres. « Pauvre James, pauvre, pauvre James !» se répéta-t-elle avec une ironie que tempérait toutefois un léger attendrissement. Elle se moquait, mais elle était touchée tout de même. James sentit la nuance. Il exulta comme après une victoire. « Pauvre James !» soupira encore la jeune femme en secouant la tête. « Comme vous vous emballez. Mais raisonnez une seconde. Où m'emportez-vous? Qu'allons-nous trouver là-haut » Doucement, elle avait glissé des bras du jeune homme et marchait près de lui, appuyée sur son épaule. Exalté toujours par la chère présence, James se refusait à voir les obstacles. « Là-haut, répéta-t-il, c'est bien simple. Nous trouverons un canot, dont je m'emparerai de gré ou de force. » « Un canot tout paré, avec des provisions et tout ce qu'il faut pour tenir la mer. » En attendant la rencontre du providentiel navire qui nécessairement se trouvera sur notre route, fit Miss Pearl, doucement ironique. « Cela se passe toujours ainsi, en effet. » Déconcerté, James murmura. « Soit, nous allons nous lancer l'aventure, risquer la soif, la faim et la mort. Mais est-ce que cela ne vaut pas mieux que de demeurer entre les mains du masque aux yeux rouges pour l'amour de vous? Je vous l'ai dit, je suis prêt à tout. » L'actrice le regardait avec une expression bizarre. On aurait dit que son cœur la poussait à prononcer des paroles que ses lèvres retenaient. « James, j'ai presque des remords, » murmura-t-elle. « N'en ayez plus, mon ami, » s'écria ardemment l'amoureux. Miss Pearl hésitait. « Je devrais, je devrais. » Il débouchait sur le pont, et au-delà des bastingages, James put apercevoir la côte que le yacht longeait à très petite distance. « Voyez !» s'exclama-t-il joyeusement, sans plus écouter ce que disait ou voulait dire Miss Pearl. « Que prétendiez-vous qu'on a de pareilles chances qu'au ciné? La côte est là, c'est-à-dire la liberté. Au besoin, nous pourrions l'atteindre à la nage. Nous sommes assez bons nageurs pour cela. Pearl, nous sommes sauvés. » Il l'entraînait vers le bordage. Elle tenta de résister. « James, écoutez-moi. Je ne la veux vous faire. Il faut que vous sachiez. » Mais brusquement, elle s'interrompit. « Trop tard, » soupira-t-elle avec une expression d'angoisse. Tout comme elle, James s'arrêtait, trop ému lui-même pour prêter attention à ce qu'elle disait. À quelques pas, une silhouette venait de surgir. « Satan !» gronda l'acteur. C'était en effet le petit homme noir qui, devinant peut-être l'exclamation de l'amoureux, eut un rire ironique. Au même moment, James Oldsilver, dont toute l'attention et la défiance avaient été accaparées par l'âme damnée de Big Johnson, se sentit violemment séparé de Miss Pearl. Un voile noir s'abattit sur ses épaules, emprisonnant sa tête et son buste, et l'aveuglant en même temps. Cédant à la poussée de ses agresseurs, il tomba sur les genoux en jetant un cri d'angoisse. « Sauvez-vous, Pearl !» Mais le voile, maintenant, le séparait du monde. Il ne pouvait ni voir, ni entendre, de sorte qu'il ne sut point comment se termina la scène. Réduit à l'impuissance, il sentit qu'on le soulevait et l'emportait. Après quelques pas, il fut déposé sur le plancher, relevé, dressé contre quelque chose qu'il devina être un mât, et enfin attaché sous les aisselles par une corde au moyen de laquelle il se sentit hissé en l'air. « Stop !» cria tout à coup une voix. James pensa que c'était celle du petit diable. Le mouvement d'ascension cessa. Il demeura pendu et tournoyant au bout de la corde à quelques pieds au-dessus du pont. La position était inconfortable. Les minutes lui parurent longues. L'oubliait-on? Qu'allait-on faire de lui? Enfin, une autre voix, celle du masque aux yeux rouges, s'éleva, railleuse, partant du pied du mât. « Bravo !» grogne le fou. « Je suis heureux, monsieur Oldsilver, de constater que vous occupez enfin la situation élevée qui convient à un homme de votre mérite. J'ai le plaisir de pouvoir vous donner l'excellente nouvelle de Miss Pearl. Elle est de retour au bercail et va boire un bon coup tout à l'heure, quand nous sauterons ensemble. Nous déboucherons la bouteille dans un quart d'heure, cher ami. Je pense que vous entendrez sauter le bouchon et que vous sauterez encore plus haut que lui. » La voix se tut, James demeura seul. Mais ce n'était pas au destin qu'il attendait, qu'il songeait. C'était à Miss Pearl. « Il l'a reprise. Elle va mourir. Et je ne puis rien. » Les minutes qui précèdent les catastrophes attendues sont à la fois longues et courtes. Il semblait à James que les secondes duraient effroyablement, et lorsqu'elles étaient passées, il s'épouvantait de leur fuite rapide. Chacune le rapprochait de l'instant tragique. Le yacht allait sauter. Était-il possible que personne ne fît obstacle au projet du fou? Quelle était la contenance des invités en face de la fatale bouteille? Sans doute, les nègres le tenaient en respect, mais cela suffirait-il à les contenir lorsqu'ils verraient s'approcher la suprême minute? Le paroxysme de la terreur galvanise parfois les trembleurs et les pousse à des actes qu'on qualifie par la suite d'héroïques. James se complut à imaginer leur masse ruant sur Big Johnson et ses esclaves. Ah, comme il aurait voulu être en bas, pour donner le signal de la révolte. Était-ce assez stupide d'attendre la mort attachée à une vergue, la tête encapuchonnée d'un voile noir? En vérité, l'attente ainsi était encore plus terrible. Un quart d'heure, avait dit le masque aux yeux rouges. Pour l'évaluer, James se mit à compter en observant à peu près la cadence du balancier des pendules. 50, 51, chantonnait-il, et lorsqu'il arrivait à 60, il fermait un doigt pour marquer la minute écoulée, ses 10 doigts repliés, il les rouvrit. « Plus que 5 minutes, murmura-t-il en frissonnant involontairement. Il se força à reprendre le compte. À la 4e minute, une voix cria au-dessus de lui « Attention !» et il sentit qu'on essayait de lui enlever le voile. « Qui est là ? » questionna-t-il, palpitant d'espoir. La voix répondit « Monsieur Jingle, naturellement. Qui diantre voudriez-vous que ce fût ? Vous leur avez échappé ?» soupira James. « Il paraît !» riposta la voix ironique. « C'est ce qui me vaut l'honneur de vous offrir votre dernière chance. Un plongeon ne vous fait pas peur ?»« Non, mais Miss Pearl !» balbutia James. Détaché, le voile s'envola. L'acteur se vit suspendu au-dessus des flots par une corde passée sous ses aisselles. La partie du pont qu'il pouvait apercevoir était déserte. Ses mains, ses bras et ses jambes étaient libres. James leva la tête et aperçut au-dessus de lui M. Jingle, couché sur la vergue et tenant le couteau avec lequel il venait de couper le lien qui serrait le voile. « Que devient Miss Pearl ?» répéta James. « Ne m'interrogez pas, je n'aurai pas le temps de répondre, » répliqua M. Jingle d'une façon évasive. Il voulut esquiver la question, c'était clair, et tout de suite, espérant détourner l'attention du jeune homme, il ajouta « Voici le moment de montrer votre sang-froid. Je vais vous fournir l'occasion d'une prouesse nouvelle. Étant donné votre position, il m'est impossible d'essayer de vous remonter. Je ne puis que couper la corde. Vous tomberez dans la mer. Cela ne vous effraie pas. « Je ne veux pas !» cria rageusement James. « Tant que vous ne m'aurez pas dit, s'il nous reste une chance de sauver Miss Pearl, je vous interdis de rien faire pour moi. D'ailleurs, je suis assez bon gymnaste pour retrouver seul ma liberté. » Élevant ses mains au-dessus de sa tête, il empoigna la corde à laquelle il était suspendu, dans l'intention évidente de se hisser jusqu'à la vergue. « Vous n'aurez pas le temps. Le yacht va sauter !» cria M. Jingle. « Je vous sauverai malgré vous. Attention, je coupe la corde !» Le chanvre cria sous l'effort de la lame. Un à un, les filins se rompirent, et ceux qui demeuraient encore intacts cédaient peu à peu sous le poids de l'acteur. Instinctivement, James avait levé les yeux et guettait les progrès de la rupture avec une involontaire angoisse. Protester aurait été inutile. Le plongeon devenait inévitable. Résigné, James s'y prépara. « Vous y êtes ? Attention !» répéta M. Jingle. La corde se rompit. James se sentit tomber. Alors, faisant un suprême effort, d'un formidable coup de rein, il se retourna et sa chute, commençait les pieds en bas, s'acheva la tête la première et les mains en avant. Il atteignit les flots et s'y enfonça dans la position classique du plongeur. Quand il revint à la surface, Il aperçut M. Jingle nageant vers lui. Le détective avait dû plonger en même temps que lui. « Regardez » cria-t-il au jeune homme. « Le coup d'œil vaut son prix. C'est 20 000 $ pour le moins qui saute en l'air. » Une explosion formidable ébranla l'atmosphère. À deux encablures, le yacht sautait. « Perle !» sanglota James en levant un de ses bras au-dessus des vagues. « Perle !» Le yacht s'abîmait dans les flots. James poussa une clameur déchirante. N'était-ce pas le cercueil de la bien-aimée? Mais une main s'appuya sur son épaule et la voix narquoise de M. Jingle, qui venait de nager jusqu'à lui, s'éleva. « Vous n'allez pas pleurer, James Oldsilver. Il n'y a vraiment pas de quoi. Elle est sauvée, votre perle. Il y a plus de 20 minutes qu'elle a quitté le bord. Oui, enlevée dans un canot avec Alinette par le masque aux yeux rouges. » Comme il se retrouvait sur le sable sec en maillot, le jeune milliardaire, sans plus songer à l'aventure, pourtant émouvante, dont il venait de sortir, se tourna vers le détective et demanda simplement « Et maintenant ?» D'un geste d'une sobre éloquence, M. Jingle montra à la fois la masse des maisons qui, toute proche, annonçait un port et quelques pêcheurs accourant vers eux. « Le hasard nous sert, » constata-t-il. « Nous avons à proximité tout ce qu'il faut pour éclaircir la situation et utiliser sans tarder les renseignements que nous recueillerons. » Il s'avança vers les pêcheurs. « Braves gens, n'auriez-vous pas vu aborder un canot ?» demanda-t-il sans préambule. « Un canot monté par un gros homme masqué et deux jeunes dames. » « Parfaitement, monsieur, » répondit poliment l'un des pêcheurs. « Ils ont été rejoints par un petit monsieur habillé de noir et toute la compagnie est allée chez le loueur d'auto. » Tressaillant d'espoir, James allait parler, mais M. Jingle le devança. « Pourriez-vous nous y conduire ?» demanda-t-il. Un pêcheur s'offrit aussitôt et le groupe se mit en marche vers les maisons. Si préoccupé qu'il fût, par son désir de se lancer de nouveau sur la piste du ravisseur de perles, Oldsilver remarqua que les gens de ce pays étaient aussi serviables que peu curieux. Un yacht venait de sauter à quelques encablures du rivage. Le bruit de l'explosion était certainement parvenu jusqu'à leurs oreilles et ils ne posaient aucune question aux deux inconnus qu'ils voyaient aborder la nage, ce qui indiquait des rescapés de la catastrophe. Mais il se prouvait qu'ils eussent épuisé avec Big Johnson et ses compagnes tout leur stock de questions, puisqu'ils avaient, de leur propre aveu, guidé la compagnie du masque aux yeux rouges vers cette même demeure dont James et le détective approchaient. Le loueur d'auto était sur le pas de sa porte, attendant la clientèle. Il ne lui fallut pas échanger beaucoup de mots avec M. Jingle pour comprendre de quoi il s'agissait. La vue de quelques billets de banque que le prévoyant détective tira d'un petit sac de caoutchouc suspendu à son cou contribua d'ailleurs à lui délier la langue et l'intelligence. En moins de 5 minutes, il lui fait sortir du garage une auto de tout près et indiquer au champion de Miss Pearl la route prise par Big Johnson. Deux caches-poussières, deux casquettes et deux paires de lunettes parurent suffisants pour compléter la toilette de James et de M. Jingle. Tous deux s'élancèrent dans l'auto, dont le détective prit le volant. « Quelle avance ont-ils ? » avait demandé laconiquement M. Jingle en consultant son cher chronomètre. « 20 minutes, » répondit le loueur. « Cela représente quelques dizaines de kilomètres. » soupira M. Jingle. « Parviendrons-nous à les rattraper ?»« N'y comptez pas, » affirma l'homme. « Vos deux autos sont de même marque et douées de la même vitesse. »« Alors, rien à faire, » s'exclama le détective, prêt à abandonner le volant. James trépidait. « Si, » intervint le loueur, « la route s'enfonce dans la montagne. Il y a une fameuse côte que vous escaladerez, puis on redescend l'autre versant par une route à lacets. » Elle fait la bonne 20aine de kilomètres et il faut aller doucement à cause des tournants. Une distance de 500 mètres sépare le lacet le plus bas du plus élevé. « N'en dites pas plus !» cria M. Jingle en sautant frénétiquement sur le volant. L'auto parut bondir et fila, emportant les deux hommes à une vitesse fantastique. Arrivé au pied de la montagne, il s'élança à l'assaut des pentes sans ralentir sa course. Parvenu sur la crête, il y roula le long d'une route qui dominait l'autre versant et permettait de contempler un merveilleux paysage. « Les voyez-vous ? » demanda tout à coup M. Jingle, la main tendue. Sous eux, les lacets dont avait parlé le loueur déroulaient et allongeaient leurs replis. Certains disparaissaient, cachés par les avancées de la montagne. Très bas, non loin de l'avant-dernier tournant, un autofilet. Ce devait être celui qui emportait le masque aux yeux rouges et ses prisonnières. James se mit debout et poussa une exclamation découragée. « Jamais nous ne pourrons les rejoindre, ils ont trop d'avance. » mais on peut couper par le plus court et les dépasser, » riposta M. Jingle en montrant le vide. James hochait la tête en contemplant l'abîme. À peut-être 300 mètres au-dessous d'eux, le dernier lacet était visible et suivait la base de la montagne. Entre lui et l'endroit où il se trouvait, s'étendait une sorte de plan incliné, malheureusement hérissé d'arbres, contre lesquels l'auto se fut broyé, si James ou M. Jingle avaient été assez fous pour le lancer sur la pente. Le saut dont avait parlé le détective était plus qu'effrayant. Il était impossible. « Il n'y a rien à tenter avec la voiture, » conclut James en poussant un soupir. « On pourrait peut-être l'abandonner et tenter de descendre à pied. »« Nous n'arriverions pas à temps, » déclara péremptoirement M. Jingle. Il continua à rouler pendant une centaine de mètres, en observant attentivement les deux côtés de la route. Tout à coup, il s'arrêta. « Que dites-vous de ceci ? » s'écria-t-il d'un air triomphant. Un seul côté intéressait James, celui du vide. Il ne vit donc point. Dans le fouillis de verdure qui tapissait le flanc de la montagne, des branches s'agitaient comme si une main en avait écarté les feuilles. Peut-être M. Jingle n'avait-il lui non plus rien aperçu. Tournant le dos à l'endroit suspect, il examinait la cuve qu'enfermait ce repli de montagne au long des flancs de laquelle descendait la route. Jusqu'au bas, la pente abrupte était couverte d'arbres. « Que dites-vous ? » répéta le détective. « Est-ce que ce chemin ne semble pas fait pour nous ?» Et il indiquait une sorte de brèche que la cognée des bûcherons avait pratiquée dans le fouillis sylvestre, y ouvrant une voie qui se prolongeait en ligne droite jusqu'à la base. Ce chemin de chèvre, juste assez large pour laisser passer l'auto, constituait une sorte de glissière, inclinée à plus de 45 degrés. Un bloc de pierre, lancé sur cette pente, libre de tout obstacle, eût certainement atteint le bas. Il était donc possible d'y engager l'auto. C'était une acrobatie certainement hasardeuse, mais qu'on pouvait tenter à condition de joindre un courage et un sang-froid peu communs une complète maîtrise du volant. Or, cette maîtrise, James la possédait, et son audace était fouettée par les paroles de son compagnon. « Nous arriverions avant lui, » murmurait le détective en contemplant l'effrayante pente. « Nous couperions sa route. Il serait possible de la lui barrer avec l'auto. Il arriverait sur nous sans soupçonner notre présence, et il serait bien forcé de s'arrêter. Ils ne sont que deux, en somme. « Donnez-moi le volant, » s'écria James avec vivacité. Il poussa M. Jingle et prit sa place. « Vous risquez le saut ?» demanda celui-ci en s'arc-boutant solidement des pieds et des reins. « C'est notre seule chance, » répliqua stoïquement James. « Bravo !»« Tenez-vous ferme, » recommanda l'amoureux de Miss Pearl. « J'y suis, vous pouvez y aller. » James remit le moteur en marche, fit reculer la voiture, prit du champ et calcula son élan. « Prêt ?» cria-t-il. « Prêt !» Le jeune homme lança l'auto en avant. Il bondit sur l'affaissement du talus, par chance écrasé en cet endroit, et fila dans la brèche. L'air siffla aux oreilles des voyageurs. Les arbres de la pente parurent brusquement remonter vers le ciel avec une rapidité folle. En même temps, du bas de l'effroyable chemin, le ruban gris de la route s'éleva au-devant de l'auto. La descente ne dura que quelques secondes. Brusquement, James donna un coup de volant qui fit tourner l'auto au moment précis où il atteignait le bas et le lança sur le côté remontant de la route. La côte usa son effarante vitesse et James put faire jouer les freins. Les roues patinèrent, toute la carrosserie craqua, comme si elle allait se briser. Puis l'auto, emportée par son élan sur un parcours de quelques mètres, s'immobilisa enfin. Les deux casse-cou étaient arrivés sains et saufs. Ils avaient réussi leur exploit. « Hé hé ! Voilà un saut qui comptera dans mon existence !» ricana M. Jingle, tout de même un peu pâle. « Je suppose que vous ne protesterez pas, en le voyant figurer sur ma note pour une somme respectable. « Quel que soit le chiffre, je signerai le chèque, » répondit James en souriant. « Il sera toujours moins vertigineux que cette descente. » Il arrêta le moteur. Déjà descendu, le détective suivait la route, cherchant l'emplacement le plus favorable à l'embuscade qu'il voulait tendre. Tout d'abord, geste qui lui était familier, il avait tiré son chronomètre et l'avait consulté. Satisfait de l'heure qu'il y avait lue, il remit sa montre dans sa poche et revint sur ses pas à grandes enjambées. À deux ou trois reprises, il s'arrêta devant des buissons qu'il examina avec soin en faisant de grands gestes et en marmottant des paroles coupées de ricanements, tout comme s'il avait tenu conversation avec les branches. De loin, James voyait ce singulier manège. Mais il était déjà trop accoutumé aux manières de l'original pour s'en étonner. Laissant M. Jingle se livrer à ses méditations loquaces et gesticulantes, le jeune homme prêtait l'oreille afin d'entendre le bruit de l'auto attendu. « Que faisons-nous » cria-t-il. « Ils peuvent arriver d'un moment à l'autre. » Le détective, planté au milieu de la route, agita télégraphiquement ses bras. « Hep, par ici !» Et tournez l'auto de manière à barrer la route. » James avait compris. Il obéit aussitôt et vint se placer en travers, à l'endroit indiqué par le détective. « Là, là, avancez encore un peu. Inutile de barrer complètement. Il suffit que le passage soit assez étroit pour les faire hésiter. Bien, comme ceci. Je parie qu'ils freineront. C'est tout ce que nous demandons. Mais nous, nous passerions, n'est-ce pas, mon cher ami ?»« Parbleu !» ricana James. « Parfait !» Tout aussitôt, le détective bondit dans la voiture, retourna les coussins, ouvrit les coffres et en tira, en grognant de satisfaction, deux manteaux et diverses loques avec lesquels il entreprit activement de confectionner deux mannequins. « Vite, votre casquette et vos lunettes !» commanda-t-il en installant ses bons hommes sur le devant de la voiture. « Voilà !» s'empressa de répondre James, entendant les objets demandés. « Bonne idée ! Il vaut mieux en effet !» Que ce soit des mannequins qui essuient la première manifestation de mauvaise humeur du masque aux yeux rouges. Mais nous, où allons-nous nous poster? Ici. Cachez-vous, et lorsque je vous ferai signe, suivez-moi. Tapis derrière un buisson, James attendit, trouvant parfait le plan de son compagnon. Un sifflement déchira l'air. Masqué par le dernier tournant, un auto accourait. Il apparut tout à coup à 10 mètres de l'embuscade. James eut le temps de distinguer les deux hommes qui occupaient le siège de devant et dont l'un était le masque aux yeux rouges. Derrière, on apercevait les silhouettes de Miss Pearl et de Calinette. Ce n'était pas le fou qui conduisait, mais un mécanicien. À la vue de l'obstacle, placé en travers de la route, il poussa un juron et freina brusquement. L'auto de Big Johnson s'arrêta à quelques mètres de l'autre et juste devant l'endroit où étaient cachés James et M. Jingle. « Damnation !» hurla le fou en sautant en bas de son siège. « C'est lui qui nous a préparé ce tour. En avant, garçon, et feu sur ces mauvais plaisants. Ils n'auront pas facilement raison de nous. » Revolver au poing, il se précipita vers les deux mannequins qu'il mitraillait consciencieusement, tout en avançant. Son chauffeur l'imitait. « À nous !» souffla M. Jingle à l'oreille de James. Sortant de leur cachette, ils coururent à la voiture où se tenaient les deux actrices et s'installèrent aux places que venaient d'abandonner le fou et son chauffeur. « En avant !» murmura M. Jingle. James avait saisi le volant. Il lança l'auto droit sur l'étroit passage et réussit à le franchir. Au même moment, Big et son compagnon se ruaient sur les mannequins abattus et constataient la ruse dont ils venaient d'être dupes. Ils se relevèrent juste à temps pour voir leur voiture filer devant eux. « Feu, feu !» vociférèrent le masque aux yeux rouges, comprenant qu'il était joué. Il se mit à courir à la poursuite de l'auto en le criblant de coups de revolver. Mais il était trop tard. Hors du périlleux passage, la machine des fugitifs reprenait toute sa vitesse. Au bout d'une minute, Big Johnson et son chauffeur n'étaient plus, pour James et son compagnon, que de minuscules silhouettes à l'horizon, tendant vers les fuyards des poings impuissants. « Cette fois, nous avons gagné la partie !» s'écria James radieux, en se retournant pour adresser un sourire amical à celle qu'il venait de délivrer. « Bonjour, Miss Pearl. Bonjour, petite Calinette. Nous n'avons pas tardé à prendre notre revanche, vous voyez ?» Toute tremblante encore de l'émotion qu'ils avaient ressentie, l'actrice et sa jeune compagne poussèrent des exclamations. « James, c'est vous ? Quelle peur vous venez de nous faire ! Nous ne savions plus ce qui nous arrivait. Nous vous prenions pour des bandits, » pouffa Calinette. « Même en ce cas, vous ne pourriez perdre au change, » fit remarquer James, en riant aussi. Et passant le volant à M. Jingle, il ajouta, en jetant un regard en arrière, « Prenez donc ma place un moment, voulez-vous ? Nous avons maintenant une avance suffisante pour ne pas craindre d'être rattrapés. Je puis m'offrir un petit brin de Cosette. » Et il enjamba le dossier du siège afin de s'asseoir à côté de Miss Pearl. Peut-être l'habitude de tourner des scénarios aux péripéties effrayantes avait-elle aguerri Miss Pearl. Quoi qu'il en fût, James ne manqua pas d'observer que l'actrice, aussi bien que la jeune Calinette, avait repris une sérénité qu'on ne se fût point attendu à voir en elle après cette série d'aventures. En retrouvant le jeune homme, dont l'audace venait de la délivrer, Elle ne manifesta ni la joie, ni la reconnaissance qui eussent été naturelles. Elle sourit, tendit sa menotte avec cordialité et prononça, du ton dont elle eut accueilli un visiteur dans son salon, « Comment allez-vous, cher James ?»« Ah, Perle, chère Miss Perle, que je suis content !» balbutia-t-il. « J'ai eu si peur pour vous, et tant de chagrin !» Il serra avec force les mains de l'actrice, et peu s'en fallut qu'il n'éclata en sanglots, tant ses nerfs étaient tendus à l'excès. Calinette le considéra avec des yeux franchement moqueurs, et Miss Perle elle-même fixait sur lui des regards qui n'étaient point sans malice. « Nous vous sommes au fond bien reconnaissantes, » dit l'actrice comme pour corriger cette expression. « Si vous avez tremblé pour moi, croyez de mon côté, je n'ai pas cessé de penser à vous, et que j'avais presque des remords. Oui, des remords. » Elle soupira. Une ombre voila un instant la clarté de ses grands yeux. « Des remords. N'exagérez pas, chère Miss Perle, » protesta James tout ému. Vous n'avez aucune raison d'en éprouver. Si, c'est de ma faute. Je suis la cause de tout ce qui vous arrive. Me le pardonnez-vous, James. » Un peu d'anxiété fit trembler sa voix. Perle, chère Perle, quelle folie ! S'exclama l'amoureux, touché et bouleversé jusqu'aux larmes par les paroles de l'actrice. Attendons la fin, reprit-elle. Alors je vous demanderai pardon en bloc, car j'étais méchante envers vous, mon pauvre James. Une exclamation véhémente que poussa cet instant M. Jingle mit fin à la conversation. « Qu'y a-t-il ? » s'informa James. « Il y a que l'essence touche à sa fin, » répondit le détective en tourmentant nerveusement son chronomètre. « C'est la panne fatale. Et prochaine. Nous serons propres si... si... » Il tourna la tête et faillit lâcher le volant. « Justement, les voilà !» s'exclama-t-il en se rembrunissant. James et les deux femmes imitèrent le mouvement du détective. Tous trois interrogèrent l'horizon. À la vérité, Calinette ne songeait plus à rire. Brusquement, elle était redevenue aussi sérieuse que Miss Perle, dont la physionomie reflétait une anxiété naissante. À l'extrémité visible du ruban de la route, un point noir accourait, et selon toute probabilité, ce point noir était l'auto du masque aux yeux rouges. Sans la panne que M. Jingle venait de prédire, cette poursuite n'eut rien eu d'inquiétant, puisque les deux autos étaient de même vitesse. Mais, dans quelques minutes, la panne annoncée se produirait, et force leur sera alors de se laisser rejoindre. « Pour combien en avons-nous ? » questionna James, redevenu nerveux. « Pour un quart d'heure au plus, » répondit M. Jingle. « Après, dame, il faudra bien les attendre. »« Non, » dit l'actrice, « il y a autre chose à tenter. Puisque l'auto peut encore rouler un quart d'heure, divisons-nous. Vous et moi, James, nous allons descendre dès que nous aurons tourné ce petit bois. Nous nous y cacherons pour laisser passer ceux qui nous poursuivent. M. Jingle et Calinette continueront aussi loin qu'ils le pourront. Ensuite, ils abandonneront leur voiture et s'enfuiront à travers bois. « Approuvé !» consentit froidement le détective. « Mais c'est vous que Big poursuivra ?» protesta James. « Peut-être, mais ils sont moins directement visés que nous, » répliqua Miss Perle. « Il se peut même qu'il les abandonna pour revenir chercher notre piste. Nous gagnerons du temps. D'autre part, en nous divisant, nous doublons nos chances. Il y aura deux pistes. Et le masque aux yeux rouges se lancera sur la première qu'il découvrira. Les autres échapperont et pourront aller chercher du secours. Tout cela est parfaitement raisonnable et j'estime que nous n'avons rien de mieux à faire, décida M. Jingle. Soit, acquiesça James, essayons de notre plan. Après un tournant qui le cacha momentanément au regard du poursuivant, M. Jingle l'arrêta à l'auto, le temps de laisser descendre James et Miss Perle. Au revoir, bonne chance, cria-t-il. Miss Perle prit le bras de James et l'obligea à s'enfoncer dans le fourré. Au loin, l'auto du fou accourait en grondant. Il passa quelques mètres d'eux, frôlant les buissons derrière lesquels ils étaient dissimulés. C'était Miss Perle qui dirigeait la fuite, et ce fut hors du taillis qu'elle amena le jeune homme au bout de 20 minutes de course, et en un endroit si parfaitement en vue qu'aussitôt, de tous les buissons, sortirent des traqueurs, évidemment à la solde du masque aux yeux rouges. Au cri qu'ils poussèrent en se précipitant vers le couple, répondit le cri de rage de James. « Pincez, ma pauvre Perle !» Il voulut néanmoins se rejeter dans le fourré, mais sa compagne le retint. « Ce serait une sottise, James. Nous serions pris comme dans un filet. N'entendez-vous pas qu'on accourt derrière nous ?» Le sort en était jeté. L'amoureux se laissa conduire. « Là-bas, » reprit Perle, en étendant le bras, « n'est-ce point une bicoque ? De ce côté, la voie semble libre. » Nous pourrions nous réfugier dans cette maisonnette. » L'imminence du péril ne permettait pas la discussion. Ils s'élancèrent et atteignirent la maison. Elle était vide. Aussitôt entrés, ils entassèrent des meubles contre la porte. encore une péripétie de cinéma. Mais James n'avait pas d'armes. Notre barricade pourra les arrêter quelques instants, mais après. Une seule solution s'offrait, celle que suggéra aussitôt Miss Pearl. Il fallait continuer à fuir. James, tournant comme un fauve en cage, venait de s'approcher d'une fenêtre, donnant sur les arrières de la maison. Il aperçut une cour qu'une petite ouverture faisait communiquer avec un enclos au bout duquel s'élevait une ligne d'arbres. D'un geste décidé, il ouvrit la fenêtre. « Passons par ici, Pearl. » Il sauta dans la petite cour à la suite de l'actrice. Sur le devant, de grands coups retentissaient contre la porte annonçant l'assaut des gens de Big Johnson. La barrière de l'enclos était ouverte et Miss Pearl l'avait franchie. Il s'élança à son tour. Un concert d'aboiements et de hurlements éclata soudain, qui donna des ailes à Miss Pearl et à James. « Les brutes, les sauvages !» grondait le jeune homme, en courant comme court le gibier devant la meute lancée à sa poursuite. Et c'était bien une meute, une vraie meute, que venaient de lâcher sur la trace du couple les gens de Big Johnson, toute une meute qu'ils accompagnaient et excitaient de leurs vociférations et de claquements de fouet. Chasse infernale, dont le grand meneur était un fou. L'issue n'en paraissait pas douteuse. À chaque minute, les chiens gagnaient du terrain. Pourtant, James et sa compagne continuaient à courir, les dents serrées, la respiration sifflante, droit devant eux, soutenus bien plutôt par le désir de retarder l'horrible instant que par l'espoir du salut. Cette ligne d'arbres qu'ils allaient atteindre pouvait-elle améliorer leur situation? Hélas, il ne s'agissait plus de dépister des hommes, mais des chiens. L'actrice trébucha, James la retint. « Courage !» Qu'était-ce donc qui brillait entre les arbres? Il poussa un cri délirant d'espoir. « De l'eau, Pearl, c'est de l'eau ?» Un lac, une rivière, un ruisseau. Il n'en savait rien. Il n'était même rien moins que sûr que cela pouvait mettre une barrière entre eux et la meute. Hésiterait-elle à s'y lancer à leur suite? Ensemble, ils se jetèrent à l'eau. Il était temps. Les chiens arrivaient sur la berge. Ils s'y arrêtèrent et s'y déployèrent, courant le long du bord, en aboyant furieusement. James et Pearl étaient-ils sauvés? Délivrés de leurs ennemis par une chance inespérée, ils n'avaient plus qu'à gagner l'autre rive à la nage, un jeu d'enfant. Mais ils n'eurent même pas le temps de se leurrer de cet espoir et de se réjouir. Tout de suite, un bruit formidable, emplissant leurs oreilles, leur donna l'explication de l'attitude prudente des chiens. La rivière, dans laquelle ils venaient de se jeter en aveugle, était un rapide, et sur leur droite, ils pouvaient apercevoir des chutes, une cataracte, vers laquelle un irrésistible courant les entraînait. « Pearl, Pearl, au nom du ciel, nagez vers la gauche !» cria James, éperdu. Lui-même, luttant contre le terrible courant, s'efforçait de se rapprocher de la jeune fille. Mais il ne se sentait pas en possession de ses moyens habituels. Il lui manquait la confiance et le sang-froid. Il ne s'agissait plus, comme tant de fois, alors qu'il interprétait des scénarios de cinéma, de donner un maximum d'efforts pendant quelques secondes, puis de s'abandonner au courant, avec la certitude d'être recueilli par une barque, sitôt sorti du champ, et en tout cas, avant d'avoir épuisé ses forces. Aujourd'hui, la barque providentielle ne figurait point au programme, et il n'était pas question de feindre d'être entraîné, tout en restant parfaitement maître de sa nage. Le danger était réel. « La rive, Pearl, tâchez d'atteindre l'autre rive » cria-t-il encore en nageant avec fièvre. À la façon dont elle se débattait, il devinait qu'elle touchait à la limite de ses forces, et que s'il tardait à lui porter secours, il la verrait disparaître. Fouetté par l'imminence du péril, il fit un suprême effort et parvint à rejoindre Miss Pearl au moment où elle allait couler. « Courage !» dit-il en la soutenant, tout en continuant à nager d'un bras. « Nous nous sauverons ensemble ou nous périrons tous les deux. » Miss Pearl jeta au jeune homme un regard reconnaissant et un tendre sourire éclaira sa physionomie. À l'instant où James s'exaltait, à la pensée de sauver Pearl conquise à force d'amour, à l'instant où, d'un bras dont l'ivresse de la joie décuplait la vigueur, il croyait nager vers le bonheur et atteindre la terre promise des amoureux, il leva les yeux vers la rive et aussitôt il poussa un cri de colère et de désespoir. Sur cette rive toute proche, des silhouettes se dressaient. Au milieu d'elles, le masque aux yeux rouges contemplait, avec son éternel ricanement, les efforts du jeune couple. « Tu ne m'échapperas pas, James Oldsilver » cria-t-il, le bras tendu vers le nageur, avec une expression de menace et de défi. Ainsi, d'un côté les chiens et de l'autre Big Johnson, et entre les deux périls, le courant entraînant les nageurs vers la cataracte. Telle était la position de Pearl et de James. Il voulut se reprendre et lutter encore, mais il était à bout de force. Et puis, vraiment, était-ce la peine de choisir? De toute façon, ils étaient perdus. « J'ai parlé trop tôt, ma pauvre perle, » gémit-il. Il n'avait pas lâché la jeune femme et la soutenait tendrement, comme il l'aimait. Il songea que le flot pourrait les engloutir ensemble, et cette mort lui parut douce et enviable. « Croirez-vous, cette fois, que je vous aime? Vous ne rirez plus, dites. » Sans lui répondre, elle glissa tout à coup hors de son étreinte et se remit à nager en s'éloignant de lui. Il balbutia. « Perle, pourquoi? Vous ne pourrez pas ?» Mais elle lui criait, impérative, « Je ne veux pas, James, je ne veux pas !» Saisi par le tourbillon, il sentait ses forces épuisées, et il voyait qu'il en était de même de celle de Miss Perle. Elle cessa de se débattre et s'abandonna au courant, qui l'emporta vers les chutes. James poussa un cri de désespoir et d'agonie. Perle était à 1 mètre de la cataracte. Il ferma les yeux, pour ne pas la voir disparaître dans le tourbillon. Il les rouvrit aussitôt, avec la sensation d'avoir plongé pendant quelques secondes dans un gouffre de mort. Miss Perle était toujours visible, presque immobile, et comme suspendue au milieu des flots écumeux qui accouraient, l'entouraient et la dépassaient sans l'entraîner. Était-ce un miracle? James n'eut pas le temps de se le demander. Un nouveau prodige se manifestait. Il vit passer près de lui, avec la rapidité d'une flèche, un canot automobile qui vira audacieusement, vacilla, comme s'il avait heurté un obstacle, et se mit à courir parallèlement aux chutes vers Miss Perle, toujours immobile. 2 personnes montaient ce canot. James eut encore le temps de voir l'une d'elles se pencher, saisir l'actrice et la hisser à bord. Succombant à l'excès de son émotion, Old Silver, épuisé, s'évanouit et coula à pic. En revenant à lui, l'acteur milliardaire se trouva couché dans un bon lit, au milieu d'une chambre claire et paisible. Miss Perle le veillait. Elle n'était donc pas prisonnière du masque aux yeux rouges. Il murmura joyeusement. « Nous nous en sommes tirés ?»« On nous en a tirés, » répondit l'actrice. Et elle montra 2 personnages qui se tenaient discrètement à l'écart. C'étaient M. Jingle et Calinette. Leur vue renseigna James. Ceux qui montaient le canot, parbleu, c'était eux. Comme dans les scénarios, ses amis ingénieux et fidèles étaient intervenus juste au bon moment. Mais comment y avait-il réussi? Old Silver brûlait de l'apprendre. Tant de points restaient obscurs, frisant le merveilleux. À ce moment, le détective se retira discrètement, n'avait qu'une satisfaction visible, satisfaction clairement partagée par l'énigmatique Calinette. « J'attends votre récit, » murmura James, dès qu'il se vit seul avec les 2 femmes. « Par quel miracle, chère Miss Perle, avez-vous retrouvé vos forces ? Et avez-vous pu me sauver au moment où j'avais tout lieu de vous croire perdu pour vous-même? Comment M. Jingle et Calinette sont-ils arrivés si à propos? Ouf! Soupira comiquement Calinette. Que de questions, cher James! S'il faut répondre à toutes, nous ne sommes pas encore au bout. Est-il bien nécessaire de vous donner tant d'explications? Vous êtes là, nous sommes là, tous réunis, miraculeusement sauvés d'un tas de dangers, par la permission de la Providence et l'intervention de bon nombre de hasards, aussi favorable qu'invraisemblable. Ça suffit. Donnez une poignée de main à Perle, qui vous a sorti de l'eau. Elle ne l'a pas volée. Et puisqu'elle vous a empêché de boire un coup, ne faites pas la sottise de vous noyer dans les détails. Mais ce canot, c'est là que le prodige, s'écria le jeune homme. Comment avez-vous découvert ce canot? La veine, affirma Calinette. Enfin, par quel hasard s'est-il trouvé là? Le hasard, commença Miss Perle. Mais l'impétueuse Calinette ne lui permit pas de développer ce thème. « Il aurait bon dos !» s'écria-t-elle fougueusement. « Tout pour lui alors, et pour nous rien ?»« Cela peut vous paraître étonnant, James, mais si le canot s'est trouvé là à point nommé, c'est précisément parce que ceux qui le montaient voulaient qu'il y fût. C'est beau l'exactitude. Le masque aux yeux rouges faisait une tête. On vous a enlevé à son nez. »« On nous a enlevé, mais qui ?» demanda Old Silver, impatient de connaître toute l'histoire. « Jingle et moi et Jingle, oui, monsieur. » On n'est pas des lâcheurs. Vous auriez dû deviner cela. Mais vous ne songez qu'à tresser des couronnes à perles, et moi vous me tenez pour négligeable. » Narquoise, elle regarda James et un sourire se dessina sur ses lèvres. Miss Perle, émue et pensive, jouait distraitement avec la chaîne d'or qu'elle portait au cou. « C'est simple, » approuva-t-elle machinalement. Le beau James, encore un peu aplati, selon l'irrespectueuse expression de l'enfant terrible, mais suffisamment conscient tout de même pour apprécier une situation, ne fut pas de cet avis et ne le cacha point. « Mais non, protesta-t-il. Ce n'est pas simple du tout. C'est au contraire très complexe et singulièrement obscur. Calinette haussa les épaules. Écoutez, James Oldsilver, et cramponnez-vous. Le masque aux yeux rouges nous poursuivait. Nous l'avons plaqué. Comment ? Je vous le dirai plus tard. Ne perdons pas de vue Big Johnson et ses acolytes et nous arrivons à la rivière. La chance continue de nous favoriser. Nous découvrons le canot. Enfin, une heure avant le drame, je dis une heure pour arrondir, je ne suis pas 5 minutes près et bien entendu, je n'ai pas chronométré les temps. Une heure avant le drame, des pêcheurs avaient eu l'audacieuse idée de tendre un filet d'une rive à l'autre devant la cataracte pour capturer le poisson entraîné par le courant. C'est contre ce filet que Pearl est venue s'immobiliser et notre canot rebondir. Elle s'interrompit pour contempler James, pétrifié par cette stupéfiante explication. « C'était une mène, » répéta-t-elle, joyeuse. « Une mène effarante, inouïe, prodigieuse. Mais le jeune homme songeait moins à s'étonner qu'à admirer. Depuis quelques jours, il était habitué à retrouver dans l'existence quotidienne les invraisemblances des scénarios. Il lui semblait qu'il découvrait la vie et que, examinée de près, elle lui apparaissait aussi extraordinaire, aussi truquée que les plus folles péripéties inventées par l'imagination des auteurs. « Et ensuite, après nous avoir recueillis, « vous avez remonté le courant ?» demanda-t-il. « Nous avons filé, en faisant des pieds de nez au masque aux yeux rouges, qui n'en revenait pas et s'étranglait de fureur. Le moteur rendait bien. Monsieur Jingle connaît les bons coins. Il nous a amenés ici pour nous refaire dans le silence, le calme et la méditation et y attendre de nouvelles aventures. » Elle conclut, en regardant Miss Pearl d'un air moqueur, « car ça ne peut pas finir comme ça. » L'actrice fronça les sourcils. « Voilà pourtant assez, » murmura-t-elle. James s'agita. « Je suis de l'avis de Calinette, » opina-t-il. « Nous ne pouvons considérer l'aventure comme terminée aussi longtemps que nous risquons d'avoir à nos trousses notre diabolique ennemi. Où sommes-nous exactement ?»« Ça, faudra le demander à M. Jingle, » répondit Calinette. « Peu importe d'ailleurs, » continua fiévreusement James, « je présume que nous sommes isolés, en plein désert, dans une petite maison tranquille. »« Il faut fuir, » décida l'acteur en se dressant sur son séant. Calinette s'était approchée d'une fenêtre et en soulevait le rideau pour jeter un coup d'œil au dehors. Elle dit, sans se retourner, « Comme ça, tout de go, et où irons-nous ? Plus loin, toujours plus loin, jusqu'à ce que nous soyons hors d'atteinte, » répondit James avec exaltation. « Nous ne sommes pas arrivés. » Lança Calinette moqueuse, « c'est un vrai voyage d'agrément que vous nous proposez là, mon cher James. » « Qu'en dis-tu, Pearl ?»« Je dis qu'en voilà assez, » répéta l'actrice. Vivement, Calinette se retourna et fit face à sa grande amie. « Qu'est-ce que tu as ? » s'écria-t-elle. L'actrice paraissait tourmentée. Elle hésita à répondre. Brusquement, elle se décida. « J'ai assez tremblé pour vous, James, » déclara-t-elle, moitié riant, moitié grave. « Je viens d'avoir trop peur. Peur à cause de vous, pour vous. » Acheva Miss Pearl en détournant la tête avec un délicieux embarras. « Pearl, se pourrait-il ? Que dois-je comprendre ? Espérer, croire ? » balbutia-t-il. Lentement, la blonde actrice tourna vers lui ses grands yeux. Elle soupira et se tut. Mais Calinette s'impatientait visiblement. Elle fronça ses noirs sourcils et faillit frapper du pied. Elle se maîtrisa pourtant et se dirigeant vers la fenêtre, considéra avec attention le paysage. De toute évidence, elle guettait quelque chose. Mais que pouvait attendre Calinette ? Que n'attendit également Miss Pearl ? Avec vivacité, le jeune homme avait saisi les deux mains de l'actrice. Ainsi, ce serait possible. Pour que votre cœur consentît à s'émouvoir, vous cherchez du vrai qui ne fût plus mêlé à du faux. J'étais stupide, coupa Miss Pearl. Et tu le deviens davantage, grommela Calinette, le front collé à la vitre. Décidément, Miss Pearl était émue. Elle secoua sa tête bouclée. James, pardonnez-moi mes blasphèmes. Je m'en voudrais toujours d'avoir accueilli par des railleries les paroles sincères que vous prononciez. Je n'avais pas compris, James. Je comprends maintenant. Pour jouer le rôle que vous acceptiez par amour, il fallait plus que du courage. Sotte que j'étais. Cette aventure, ce péril, où ma ridicule fantaisie vous a entraîné, ont été nécessaires pour qu'enfin je vous apprécie à votre juste valeur. Et j'ai reconnu cela au moment où je pouvais vous perdre. Et c'eût été ma faute. Une émotion sincère la suffoquait. Elle voulut cacher son visage avec ses mains, que James dut écarter doucement. « Ne dites pas cela, mon ami, et ne vous reprochez rien. Je serais mort avec joie, trop payé par le regret, que vous m'auriez consacrée, et vous entendre, voir votre émotion, en soupçonner la source et la signification, sont des joies que j'eusse achetées plus cher. Chère Perle, cessez de vous accuser. Il n'est qu'un coupable. Cet homme, ce fou, ce masque aux yeux rouges. Je sais ce que je dis, protesta Miss Perle obstinée. C'est moi avant tout. Perle, tu vas dire une sottise, interrompit Calinette. James ne te demande pas cela. Il veut simplement savoir si tu l'aimes un peu. Un peu, répéta tendrement Perle, en souriant aux yeux questionneurs. Perle bien-aimée, s'écria James, ravi, en portant ses lèvres une des mains de la blonde actrice. Un cri strident les fit sursauter. Ils se retournèrent et écarquèrent les yeux. Ah ça, qu'arrivait-il à Calinette? Devenait-elle folle? Vois qu'elle marchait sur le jeune couple d'un air farouche, en rugissant tragiquement. Tu l'aimes? Tu oses le dire? Elle frappa dans ses mains. Ni James ni Miss Perle ne s'inquiétèrent de ce geste. Évidemment, ils ne prenaient pas au sérieux les attitudes dramatiques de la jeune farceuse. Pourtant, Perle répliqua. Je lui confesserai bien autre chose, et cet aveu me sera plus pénible. James, je ne veux plus... Sans se départir de son attitude de sphinx, Calinette ricana. Pourquoi t'attendris-tu? Le danger est passé. Il pourrait revenir. Je ne veux pas. Il faut que James sache. Ces paroles eurent le don de déchaîner une nouvelle crise. Folle, folle, vociféra Calinette. Il en a déjà trop entendu, et moi aussi. Même ta volonté ne suffit pas. Tu négliges la mienne et tu as tort. Je vais te le prouver. De nouveau, elle frappa dans ses mains par trois fois. Aussitôt, comme un signal, la porte s'ouvrit et quatre hommes, se précipitant dans la chambre, se ruèrent sur Miss Perle, qu'ils entraînèrent malgré ses cris et sa défense. Dans le couloir, se faisait entendre le ricanement du masque aux yeux rouges. James, un instant paralysé par la déconcertante rapidité de l'attaque, avait bondi sur ses pieds. Le danger lui rendit sa vigueur. « Jingle, jingle, à nous » cria-t-il à pleine voix. « Suce aux bandits, Calinette, ils ne sont que cinq !»« Sans me compter !» riposta l'énigmatique jeune personne. Au passage, elle arrêta le bras que James levait sur les ravisseurs de Miss Perle. Elle était de première force au jiu-jitsu. James ne s'en était jamais aperçu aussi nettement que ce jour-là. Cédant à la douleur, il pivota sur lui-même, le buste renversé, et se laissa tomber à genoux, maintenu par sa jeune adversaire. « Vous, vous, Calinette ?» bredouilla James, qui ne revenait pas. « Moi !» ricana la perfide gamine. Les gens de Big Johnson avaient disparu avec leur proie. Presque aussitôt, un moteur crépita sous la fenêtre, et le bruit d'un auto démarrant s'éloigna et décrut. « La série noire !» annonça l'ironique enfant. « Voyez-vous, vieux James, la veine est bolage. L'amour de Perle vous porte malheur. Mais pourquoi prenez-vous le parti du masque aux yeux rouges? C'est une trahison !» gémit le malheureux acteur, tellement démonté qu'il n'essayait même point d'échapper à la poigne de son ex-allier. « Une trahison, c'est le mot, » ricana-t-elle impudemment. « Vous ne vous attendiez pas à celle-là, hein? Vous, vous, livrez Perle? Le bouquet, le coup de théâtre, trémolo à l'orchestre, rugissement des trombones, coup de gong. Mais je tiens à étaler devant vos yeux, béant d'horreur, toute la noirceur de mon âme. » Gouailleuse, elle maintenait toujours James à demi tordu à ses pieds. « Vous aimez trop, Perle, beau James, » reprit-elle, « et à présent qu'elle vous aime aussi, rien ne vous séparait plus, rien que moi. » Elle éclata d'un rire strident, évidente imitation de celui du masque aux yeux rouges, repoussa James, assommé par cette étrange révélation, et le fit choir. D'un bond, elle gagna la fenêtre et sauta dehors. La colère releva James. Il courut à la fenêtre, tout prêt à étrangler ce petit serpent de Calinette. Mais elle ne l'avait pas attendu. Déjà, elle roulait à toute vitesse sur une motocyclette rapidement enfourchée. Il la vit disparaître au bout d'une allée, après qu'elle se fût retournée pour lui tirer la langue. « Me voilà !» annonça M. Jingle en se tortillant. « Où étiez-vous ? » demanda James. « Vous vous cachiez ?»« À proprement parler, » répliqua humblement le détective, « cela peut s'appeler ainsi. Vous en convenez ?» Mais les choses se gâtaient. James ne prenait pas du tout l'aventure en riant. M. Jingle s'empressa de quitter le ton badin. « Les circonstances m'excusent, » plaida-t-il. « Elles vous condamnent. C'était le moment ou jamais de me prêter main forte. » M. Jingle hocha la tête. « Approuvait-il ? Entendait-il discuter ? En fait, je ne pouvais vous être d'aucune utilité. La partie était perdue d'avance. » James s'irrita. « Il fallait donner l'alarme. Je m'en serais tiré. »« Vous ne vous en êtes pas tiré, » constata M. Jingle. M. Jingle avait retrouvé subitement son air triomphant. Il exultait, se gonflait d'importance, se vantait d'avoir tout prévu. « Vous aviez pressenti la trahison de Calinet ?» s'enquit James. « Oui, » affirma le détective d'un air de fausse modestie. « En ce cas, il fallait m'avertir. » M. Jingle se dandina pour cacher son embarras. Son affirmation le rendait vulnérable. Il voulut se dérober. « J'ai su trop tard. Elle a commencé par me jouer. Et je n'ai pas pu vous rejoindre à temps. Mais nous aurons notre revanche. Après tout, il vaut mieux connaître ses ennemis. Maintenant qu'Aline était brûlée, nous les retrouverons. » Et il ajouta, parce que le visage de son client ne s'éclairait pas assez vite, « Et nous reprendrons Miss Pearl. Je m'y engage. » James ne répondit que par une moue sceptique. Il était désenchanté. Il n'avait plus confiance. Qu'était-ce au juste que M. Jingle, un loufoque, un vantard? Le milliardaire se remémora les circonstances singulières de leur rencontre et les impressions diverses qu'il avait gardées des attitudes, des actes et des gestes de ce détective déconcertant. « Sortons, » décida l'acteur. « Je ne veux pas moisir ici. » « Il faut voir où nous sommes et quels moyens d'agir nous pourrons trouver. » M. Jingle sourit et se contenta d'acquiescer. Au dehors, c'était le désert. Le logis de rencontre n'était qu'une maison isolée et abandonnée. Le tour du propriétaire fut tôt fait. Il suffit d'un regard circulaire, une pelouse ou une prairie, un cercle d'arbres, au milieu, la bigoque. C'était tout le paysage et tout l'horizon, pas de route. Le jeune milliardaire fit la grimace. « Parlez de poursuite et vite dit. Comment sortirons-nous d'ici? Où sommes-nous, au fait ?» M. Jingle sourit discrètement. « Suivez-moi, » proposa-t-il. Ils traversèrent un bois et arrivèrent devant un hangar que M. Jingle ouvrit. « Connaissez-vous cela ?» demanda-t-il. James cligna des yeux et s'exclama. « Un aéroplane. Comment est-il là ?»« Il y est, » répondit négligemment M. Jingle. « C'est le principal. Inutile de vous demander si vous savez. Voler ?» « Inutile, en effet, j'ai mon brevet de pilote. »« Nécessité professionnelle. »« En ce cas, cher monsieur, voulez-vous voir si l'objet est utilisable ?»« Il l'était. »« Toujours la benne, » aurait dit Calinet. « Avant de nous mettre en route, il convient de prendre des forces, » dit Jingle, en s'apprêtant à déboucher une bouteille de vieux vin et en poussant vers James un confortable pâté de gibier qu'il venait de tirer de ses vastes poches. L'estomac du jeune acteur était tout à fait de cet avis. Sans se faire prier, James s'installa dans la carlingue, mangea, trinqua et but. « À votre santé, monsieur Oldsilver. À la vôtre, cher Jingle. Et mettons les bouchées doubles, j'ai hâte de m'envoler. » Il dit cela, et puis tout à coup il bâilla, bredouilla, chancela, et s'affaissant contre le dossier du siège, ferma les yeux, cédant à un invincible sommeil. En face de lui, monsieur Jingle souriait sataniquement.